Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107FM. Nous sommes le lundi 3 mai 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guimauzo intitulée Fréquence Libre. Et aujourd'hui c'est une émission un petit peu particulière car je reçois par téléphone un pharmacien, apothicaire, auteur, formateur et conférencier entre autres venant du Québec. C'est un invité à la renommée mondiale, au sens premier du terme, Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Chris. Comment ça va? Ça va super bien et vous? Ça va bien, merci. Donc avant toute chose, je tenais à vous remercier Jean-Yves d'avoir accepté mon invitation, car je sais qu'au Québec il est quand même assez tôt, il n'est que 8h du matin, c'est bien ça? Absolument, oui. Donc merci sincèrement de votre présence pour toute cette heure d'émission. Un plaisir. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je pose toujours cette même première question à mes invités, afin que nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent déjà un petit peu. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oh, en quelques mots, c'est difficile. En gros, je suis quelqu'un qui s'intéresse d'abord à la santé, bien avant la maladie, à l'être humain dans sa globalité. Oui, je suis pharmacien, mais je suis ce qu'on appelle un mille-pattes, là. J'ai des formations en naturopathie, herboristerie, etc. Il faut savoir ici qu'au Québec, les pharmaciens ne sont pas les titulaires de la phytothérapie et de l'herboristerie. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, contrairement à chez vous en France. Et donc, moi, je suis allé chercher ça en dehors. J'ai déjà été propriétaire de ma pharmacie, j'ai vendu et j'ai développé une... Bon, on va dire le mot spécialité, expertise, mettez le mot que vous voulez, là, une espèce de compétence dans le monde des produits naturels, des médecines alternatives, complémentaires, et j'intègre tout ça dans mes enseignements à, soit aux professionnels ou en grand public. Voilà. D'accord. Donc, comme annoncé en introduction et comme vous venez de le dire, vous êtes pharmacien, mais pas que, vous êtes aussi apothicaire, auteur, formateur et conférencier. Donc, oui. Quel a été le tout premier travail que vous avez occupé dans ces différents travaux? Oh, le tout premier, écoutez, mon histoire commence longtemps avant de rentrer à l'université où j'étais impliqué en herboristerie, en jardinage, en horticulture. Écoutez, à l'âge de 15 ans, je suis un des membres fondateurs du cercle horticole de la ville de Sainte-Foy avec un paquet de têtes blanches, tous des gens retraités. Puis moi, j'étais là, l'adolescent dans le tas. Je m'intéressais autrement. Je suis rentré à l'université en voulant préparer un peu comme mon grand-père faisait des, ce qu'on appelait des prises, donc des médicaments faits pour la personne devant moi, des magistrales. Et je suis arrivé à l'université et tout était stérile en petite boîte, était statistiquement significatif et j'ai décroché. Alors, au lieu de rentrer en pharmacie une fois gradué, ben, je suis allé faire un deuxième bac et en parallèle, j'ai commencé à travailler comme remplaçant plutôt qu'avoir un emploi régulier. C'est là que j'ai fait le parcours au travers du Québec, un peu partout, rencontrer des gens complètement différents, extraordinaires. J'ai été chez une pharmacienne homéopathe, chez toutes sortes de monde qui avaient des visions différentes et j'ai abouti dans une pharmacie vétérinaire où on travaillait pour les grands animaux. Ce qui m'a tiré loin de ma zone de confort. Et c'est dans ce temps-là que j'ai été confronté à l'homéopathie. Ici, ça se faisait presque pas. De l'homéopathie pour des veaux, c'est quoi cette affaire-là? Et c'est ça qui m'a amené à faire toute une réflexion et finalement à acheter ma pharmacie. Et j'ai été propriétaire pendant plusieurs années. D'accord. Donc justement, en tant que pharmacien, je suis allé voir aussi sur votre site internet, vous délivrez des consultations. Mais oui. Délivrez-vous ces consultations en face à face avec des patients ou uniquement par visioconférence ou les deux? Ben, pour l'instant, étant donné la folie furieuse de la COVID, tout est virtuel, donc peu importe la plateforme, que ce soit FaceTime ou ma propre plateforme StreamYard ou n'importe laquelle, la préférence du client, j'ai des clients un peu partout sur la planète, j'en ai en France, j'en ai en Afrique, j'en ai au Québec, et oui, je fais des consultations qui sont ce qu'on appelle ici la santé intégrative, donc c'est une espèce d'hybride naturopathie-pharmacologie où je m'amuse à aider les gens avec un coffre à outils très large. Je fais du ménage dans les médicaments, je fais des propositions, je dis va voir ton médecin, discute de telle chose. Là, j'ai pas commencé, mais maintenant au Québec, on a le droit de prescrire certains médicaments et prescrire certains tests. mais toujours dans la notion de suivre un traitement. Alors donc, ça pourrait encore arriver dans ma pratique, mais c'est des choses que j'analyse, tous les tests sanguins. Alors oui, c'est vraiment des choses en personne, mais virtuelles pour l'instant. D'accord. Et donc, justement, dans ces consultations virtuelles, quel est votre but recherché? En d'autres termes, comment se passe l'accompagnement de vos patients? Que recherchez-vous dans cet accompagnement? Bon, ce que moi je recherche, c'est une bonne question, c'est en gros améliorer la santé. C'est un peu vaste et flou, mais la prémisse, c'est que les gens remplissent un questionnaire santé assez exhaustif. Ils ont aussi un journal alimentaire de 7 jours à m'envoyer, tous les résultats de tests qu'ils peuvent me fournir, et on regarde ça ensemble pendant 1h30. Et on discute des stratégies qu'on peut implanter, le but étant que si on améliore la santé, si on améliore les différents paramètres, le besoin de médicaments va réduire. Alors, par exemple, vous avez quelqu'un qui prend un médicament pour l'hypertension, ben, on n'arrête pas le médicament pour l'hypertension, on améliore la tension artérielle, le système cardiovasculaire, et dans X mois, on pourra penser d'enlever le médicament quand le besoin ne sera plus là. Alors, en gros, c'est ça, c'est d'améliorer et de rendre les gens autonomes, surtout. Parce que moi, je dis souvent, je donne des suggestions, mais c'est pas moi qui travaille, c'est vous. D'accord. Et vous délivrez également des formations que vous appelez des concentrés de santé, donc c'est toujours dans le monde de la santé, du coup. Et que se passe-t-il dans ces différentes formations, dans ces différents concentrés de santé? Bon, les concentrés de santé sont un peu le bébé de la pandémie, où j'ai recyclé, entre guillemets, le contenu de mon académie pour les professionnels en petites bouchées, plus facile accessible, plus vulgarisé pour tout le monde. Alors, je prends des sujets spécifiques, comme le prochain, c'est ostéoporose, j'ai la perte de cheveux, j'ai la perte de poids, j'ai toutes sortes de sujets comme ça. Et le but, c'est la même chose que mes consultations, c'est-à-dire on regarde toute la problématique. Alors, les facteurs de risque, qu'est-ce qui est, d'où ça vient, et toutes les stratégies, tous les actions, habitudes de vie, produits naturels qui peuvent être utilisés, ou chez vous, vous dites compléments alimentaires, qui peuvent être utilisés pour renverser la condition ou améliorer la santé. Alors, si c'est la perte de cheveux, par exemple, quels sont les facteurs de risque qui amènent une perte de cheveux? Alors, certains sont dramatiques, d'autres sont tout à fait bénins, mais le résultat est le même. Perdre ses cheveux, c'est dramatique. Alors que ce soit l'hypothyroïdie ou simplement un régime efficace, vous perdez du poids, mais vous perdez des cheveux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est surtout axé solution. D'accord. Et vous délivrez même des formations, comme vous l'avez dit, pour les professionnels et les intervenants de santé? Absolument. Donc, c'est commencé, là. Donc, ces formations pour les professionnels et les intervenants de santé, est-ce que ce sont les mêmes formations délivrées aux autres personnes qui ne pratiquent pas forcément des métiers de la santé, ou y a-t-il une différence, une modification entre chaque formation proposée? Bon, il y a deux catégories. La catégorie concentrée de santé, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de formation. Je suis peut-être un petit peu technique, mais comme chacun des webinaires est associé à des documents qui vous restent, vous avez tout le loisir de réécouter. La plateforme vous est ouverte pendant 6 mois, donc vous pouvez écouter et réécouter tant que vous voulez. Par contre, la partie professionnelle s'appelle développer l'expertise ou développer l'expertise en produits de santé naturelle. Et là, c'est beaucoup plus axé professionnel, thérapeute, intervenant en santé. Je présume que les gens qui viennent me voir ou qui viennent prendre ces cours-là sont des gens qui ont une base. Alors, quand je parle d'études cliniques, je ne prends pas nécessairement le temps d'articuler tout ça comme je le ferais pour quelqu'un qui n'a pas de formation en santé. Par contre, la technique est la même, c'est-à-dire qu'il y a un webinaire, j'explique tout, vous avez la copie électronique du PowerPoint, vous avez tous les documents connexes et tous les liens qui supportent et sous-tendent ce que je dis. Alors, s'il y a une étude où je dis telle chose, faites pas sûr, vous allez voir, et là, vous pouvez lire l'étude. Et c'est ça l'idée. Le but, c'est de transmettre l'information à tous les types d'apprenants. D'accord. Donc, il est 14h10 en France et donc 8h10 au Québec, si je calcule bien. Donc, absolument. Avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutons la chanteuse Zaz avec son titre « On ira ». Et pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, cette chanson On ira est sortie en 2013 et est tirée du deuxième album studio de Zaz, album intitulé Recto Verso. De plus, cette chanson a été nominée pour le Energy Music Award de la chanson francophone de l'année en 2013, pour le World Music Award de la meilleure chanson en 2014 et également pour le World Music Award du meilleur clip vidéo en 2014 toujours. Donc on écoute cette chanson et on se retrouve juste après. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bronzé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h14 heure française, 8h14 pardon, heure québécoise. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Jean-Yves Dionne, pharmacien, apothicaire, auteur, formateur et conférencier québécois à la renommée mondiale. Ça va toujours ? Ça va super bien. Parfait. Donc, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question à mes invités. Pourquoi avoir choisi d'écouter Zaz ? Y a-t-il une raison particulière ? En fait, moi, personnellement, j'écoute pas beaucoup de musique. D'ailleurs, quand on m'a posé la question, ça m'a un petit peu dérouté parce que je travaille dans le silence. Je suis quelqu'un qui, beaucoup dans ma tête, je réfléchis, je fais des recherches, je fais de la rédaction et cet aspect-là, c'est difficile d'avoir quelque chose qui occupe mon esprit. Et cette chanteuse-là, que je connaissais depuis un certain temps, c'est mon gendre, comme on dit ici au Québec, le chum de ma fille, qui m'a fait écouter ça. Ça fait, hey! Puis là, vous m'avez posé la question sur les entrefaites. Ah, ça m'intéresse, parce que j'aime le message, j'aime la voix un petit peu, bon, je dirais pas fêlée, mais pas classique. Et ce texte-là qui fait « On a beaucoup de chance et on peut aller très loin », j'aime beaucoup ça, ça vibre. Alors, c'est un peu pour ça que je vous l'ai proposé. D'accord, très bien. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Pendant cette pause musicale, je discutais avec mes collègues de la PES d'à côté et ils m'ont soumis une question plutôt intéressante, car comme vous êtes très porté dans le bien-être, ce qui est normal en tant que pharmacien, tout ça, à quelle heure vous vous levez le matin? Oh, ça dépend des matins, 5h30, 6h. D'accord. Je suis assez matinal. D'accord, donc quand je vous ai proposé 14h heure française, ça ne vous a pas du tout posé de problème car vous étiez déjà levé depuis un bon petit moment. Absolument, c'est pas un problème pour moi ça. Parfait. Donc vous êtes également un pharmacologue, donc pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce qu'est la pharmacologie, pourriez-vous nous expliquer? Oui, bon, la pharmacologie c'est la science du mécanisme d'action. C'est-à-dire que les substances, qu'elles soient pharmacologiques, qu'elles soient médicamenteuses, ou même les nutriments, les plantes médicinales, ça fonctionne comment dans le corps? C'est un peu la question qui mène tout le reste. Si je suis pas capable de vous expliquer comment la vitamine D fonctionne, ou comment les oméga-3 fonctionnent, ou encore comment les études qui disent telle chose sont bien ou pas bien faites, là, j'ai un problème comme vulgarisateur. Alors, moi, je suis allé, il y a plusieurs années, chercher une formation supplémentaire, une maîtrise en pharmacologie, justement, pour être capable de débroussailler tout ça, puis être capable de prendre du langage scientifique abstrait et l'amener sur le terrain des vaches comme, pour expliquer vraiment c'est quoi, ça marche comment, quelle dose, quelle efficacité, quel effet secondaire, pourquoi, pour qui. C'est ça, la pharmacologie. D'accord. Et donc, quand vous dites que vous êtes un vulgarisateur, pour nos auditrices et nos auditeurs, un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui explique avec des termes simples une discipline plutôt complexe, c'est ça? Exactement. Prendre quelque chose de compliqué et le rendre simple. D'accord. Donc justement, en tant que pharmacologue, comment décririez-vous votre type de médecine? Traditionnelle, occidentale, les deux en même temps ou un tout autre type de médecine? Oh là là. C'est à la fois... Tout ça est d'autres choses, au sens où le terme qu'on a développé, on a un problème de nomenclature. On a dit médecine alternative, médecine complémentaire, médecine traditionnelle, et les médecins sont offusqués parce que c'est pas de la médecine. Alors, on est arrivé avec un terme qui est de plus en plus dans la documentation scientifique et dans le langage, c'est santé intégrative. Integrative health en anglais, parce qu'on est très, très calqué sur les Américains ici. Alors, la santé intégrative, c'est quoi? Puis, en parallèle, moi, je me surnomme l'apothicaire éclectique, parce que l'apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien, celui qui jouait dans les plantes, celui qui préparait des trucs, ce que je vous disais que mon grand-père faisait, parce que j'ai des vieilles racines dans ce monde-là. La santé intégrative, c'est la façon d'avoir un coffre à outils qui est bien garni, qui peut répondre aux besoins de la personne devant moi, puis soyons francs, aux miens aussi, parce que dans ma démarche, j'ai frappé des murs, des cul-de-sac nombreux en termes de santé où la médecine n'avait pas les réponses. Pensez des trucs simplement, vous avez mal au dos. Qu'est-ce que le médecin peut faire à part vous prescrire un analgésique, un anti-inflammatoire ou peut-être un relaxant musculaire? Il règle pas le mal de dos, il soulage, c'est tout ce qu'il fait. Vous avez de l'hypertension, c'est la même chose. On a un médicament qui gère le symptôme, mais qui ne vous guérit pas. La seule personne qui peut guérir, c'est vous. Alors moi, j'arrive avec un coffre à outils assez complexe, qui parle d'alimentation, qui parle de gestion du stress, qui parle de compléments alimentaires, de plantes médicinales, et de gestion des médicaments, dans le but, éventuellement, de faire ce qui est encore une nouvelle tendance, entre guillemets, la déprescription, d'enlever des médicaments quand la personne est prête à les enlever. D'accord. Car oui, le domaine de la santé, comme vous le dites, c'est vraiment un tout, c'est pas une seule chose, c'est une chose, plus une chose, plus une chose, plus une chose, etc. Ah, c'est plus que ça. On est un individu. Et l'approche médicale nous a déboîté un paquet de petites boîtes. On est, tu sais, il y a le pneumologue, il y a le cardiologue, il y a le neurologue, et on a un paquet d'affaires, puis comme si c'était rien de relié. Et pourtant, vous pouvez tout à fait avoir un symptôme physique, objectif, qui a une source psychosomatique. Exemple, vous avez un ulcère d'estomac dû au stress. Alors, si je traite le stress, ben, je ne traite pas l'ulcère. Il faut donc que je traite les deux. Et les deux sont une réalité. Mais vous êtes une seule personne. Alors, je ne peux pas y arriver avec, comme l'approche médicale, un médicament pour ci, un médicament pour ça, et les gens se ramassent. C'est fou, je viens d'avoir des statistiques. 70% des Américains prennent 5 médicaments. Je corrige. Les patients en haut de 40 ans, aux États-Unis, prennent en moyenne 5 médicaments. C'est absurde. Mm-hmm. On n'a pas. L'être humain n'est pas fait pour prendre des médicaments. Les médicaments sont des solutions d'urgence tant que je n'ai pas trouvé la cause. Et c'est ça l'idée. On cherche la cause ou les causes qui intègrent tout ça et donne une myriade de symptômes. Et c'est ça qu'on décode ensemble quand je vois des gens ou que j'explique quand je donne des cours, comment on regarde toute la personne pour dire, oh, le problème, il est beaucoup plus complexe. On recule d'un pas et on fait, bon, le symptôme qui est là a de fortes chances d'être dû à ça et la cause de ça, c'est telle habitude ou tel aliment ou telle façon de faire ou blablabla. Bla, bla, bla, et on continue. D'accord. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs témoignages vous concernant et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vous considèrent comme la référence en santé. Donc, comment expliquez-vous cela? C'est flatteur? Comment? Je ne sais pas. D'accord. Je peux vous... Disons simplement que ça fait longtemps que je fais ça. D'accord. Et j'ai ce que je vous explique depuis tantôt, là, cette façon un peu différente de regarder les choses. Et tout commence par des questions que je me pose et je cherche des réponses à ces questions-là, très souvent en dehors de la boîte, carrément, où je fais la réponse médicale marche pas. Là. Vous avez un reflux de l'estomac, un reflux gastro-œsophagien, ça remonte acide. OK, elle est où la cause? Est-ce que de mettre quelque chose qui coupe l'acide va régler le problème? Réponse, non. Alors, il faut poser des questions. Pourquoi? Comment? Et c'est ça que je fais depuis des années en termes d'enseignement auprès des professionnels, maintenant auprès du grand public. Mais c'est aussi ça, mes communications. Ça, sur mon blog par écrit ou sur ma page Facebook Franchement Santé, où là, j'ai des vidéos live des fois plus par semaine. Et là, je fais ça. J'explique. J'explique les choses de façon différente, mais de façon à être compris. Parce que si je suis pas compris, à quoi je sers? Bien sûr, oui. Du coup, comme vous êtes un travailleur dans le monde de la santé, nous le disons depuis le début de cette émission, à part la santé, quels sont vos différents champs d'intérêt? Est-ce que vos champs d'intérêt tournent toujours autour du bien-être? En gros, oui. Mais c'est peut-être... En fait, oui. Les différents champs d'intérêt, si je vous parle de mes quelques AB, je vous ai raconté que quand j'avais 15 ans et j'en ai 60, je m'intéressais à l'horticulture, aux plantes médicinales, à ces choses-là. Donc, ça fait partie de mes AB, en plus d'être le savoir que j'essaye de cultiver. Donc, dans mon bureau, j'ai une trentaine de plantes, dont des orchidées. J'ai devant moi un laurier. Alors, j'ai plein de choses comme ça où tous les jours, je mets les mains dans la terre. Alors ça, c'est un des champs d'intérêt. À part ça, la vie en général, un peu l'écologie, l'alimentation, vous voyez que c'est tout un peu connexe. Ma famille, mes gens autour de moi, puisque si je m'intéresse à la santé des gens que je connais pas, je m'intéresse à la santé des gens que je connais aussi. Bien sûr. D'accord. Et vous dites que votre force est de, je cite, « intégrer ces différentes approches pour en permettre un usage intelligent et éclairé ». Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur cette phrase, sur cette expression? Bon, ça, c'est la définition d'être éclectique. Un éclectique, c'est quelqu'un qui va aller chercher le meilleur des thèses dominantes pour les intégrer dans quelque chose de nouveau. Alors, d'où le mot « apothicaire éclectique ». J'essaie de comprendre, d'aller chercher en naturopathie, en phytothérapie, dans les médecines traditionnelles, dans la médecine chinoise, dans les trucs un peu plus... dans l'alimentation, dans les différentes thèses qui sont scientifiques, plus ou moins scientifiques. J'essaie de comprendre en arrière, et une fois que j'ai compris, là, je fais « Ah oui, mais ça fonctionne comme ça, je peux l'utiliser ainsi. » Alors, c'est ça l'idée, d'aller chercher ce qui est pertinent pour chacun des cas qui sont devant moi ou dans chacune des explications. Alors, si vous prenez un exemple, le webinaire « Mon ami, le cholestérol », où je débattis littéralement toute cette thèse-là qui fait que si vous avez un peu de cholestérol, en fait, de transporteur de cholestérol trop élevé, on vous fout un médicament sans poser de questions. Alors, je débattis ça complètement. Vous avez des médecins français, d'ailleurs, Michel Delorgerie, il fait ça depuis des années, à dire, le cholestérol n'est pas coupable. Est-ce qu'on peut s'intéresser aux vraies causes de la maladie cardiaque? C'est ça que je fais ici. Je regarde plus large, je vais chercher des explications qui sont plus plausibles, qui s'intègrent, et ça donne la santé intégrative. D'accord. Oui, donc c'est vraiment tout un tout qui fait une seule chose. Absolument. D'accord. Absolument, mais comme c'est des choses qui ne s'enseignent pas de façon intégrée, on est un peu dans un monde de l'autodidacte perpétuel. On est toujours en train de chercher, de trouver dans la documentation. Moi, je suis à l'université, j'enseigne dans les deux universités principales, Laval à Québec et Montréal, ici à côté de chez nous. Que ce soit les plantes médicinales, l'usage des produits naturels. Alors, à chaque fois, je suis remis en question et je m'assure d'avoir des arguments pour tenir mon point et convaincre, mais je suis toujours ouvert à la discussion. D'accord, oui, bien sûr. Donc, à l'université, votre professeur de pharmacognosie, c'est la chimie des plantes, c'est bien ça? En quelque sorte, oui. Mm-hmm. A affirmé haut et fort que toutes les plantes et leurs extraits sont sous-thérapeutiques et donc inefficaces. Mais avec l'expérience, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas forcément vrai. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu toute cette expérience qui vous a fait vous rendre compte que finalement, toutes les plantes ne sont pas forcément sous-thérapeutiques? Bon, écoutez, ça c'est quelque chose qui se passe, je suis à l'école. Hein, que je suis à l'école de pharmacie, il y a de ça bien, bien, bien des années. Et le monsieur nous dit ça en cours. Là, ben, ça me choque. Parce que en partant, si je prends un verre de vin de trop, ben, je suis saoul. Si je prends un café de trop, je dors pas. Donc, il y a un effet pharmacologique quelque part. Il y a un effet qui s'explique. Et de dire que toutes les plantes, tous les produits naturels sont sous-thérapeutiques par définition, ça marche pas. Et là, je commence ma démarche, qui dure encore, pour invalider ça cas par cas. Alors, par exemple, vous avez un complément alimentaire sur la tablette d'une parapharmacie chez vous. Est-il efficace ou pas? A-t-il des dosages qui sont cohérents en fonction de ce qu'on connaît? Je vais vous donner un exemple. Mm-hmm. Il y a une plante qui s'appelle le millepertuis. Oui. Le millepertuis est une plante connue pour plusieurs effets, notamment un effet antidépresseur. D'accord. C'est pas reconnu dans tous les pays, mais la science est là. Alors, c'est un antidépresseur. OK. Il fonctionne comment? Ben, il fonctionne un peu comme les autres médicaments. Il va inhiber la recapture d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Ça, ça va. Mais à quelle dose? Y a-t-il une dose minimale efficace? Si on se fie aux études qui ont été publiées, la dose standard, c'est 300 mg d'un extrait concentré 3 fois par jour. Jusque-là, ça va. Mm-hmm. Quel type d'extrait? Quel type de concentration a-t-on? Combien de plantes ça prend pour faire cet extrait-là? Et là, vous avez un produit sur la tablette qui contient du millepertuis, qui a 300 mg par capsule. Sur la posologie, c'est 3 fois par jour. Et vous vous apercevez que ben, c'est de la poudre de plante qui est dedans. C'est de la plante séchée sans autre forme de procès. Ça ne peut pas être efficace. Dans ce cas-là, mon professeur avait raison. Mais si je sais, j'ai pris la peine de me documenter, je sais trouver un produit qui contient le bon extrait, idéalement standardisé, dans une molécule qu'on appelle l'hyperforine, bon, je fais du jargon, là, mais peu importe, un extrait concentré, j'ai de fortes chances que le produit soit efficace. Mais si je ne connais pas, et je fais comme mon prof, je pérore en disant « toutes les plantes ne fonctionnent pas », je prends le premier produit du bord, c'est clair qu'il ne marche pas. Et c'est là où, que ce soit en pharmacologie de synthèse au laboratoire de la pharmacie, ou en phytothérapie, ou même en nutrition, il y a la notion fondamentale de dose minimale efficace. Et si je ne l'ai pas, ben je le prends pour rien. D'accord. Très bien. Même si vous pratiquez vos différents métiers depuis quelques dizaines d'années maintenant, je crois savoir que vous continuez à vous former en permanence. Donc, selon vous, quelle est l'importance d'une formation continue? Ah, c'est la base. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va vous dire haut et fort, un diplôme, ça ne veut rien dire. Mm-hmm. Un diplôme, ce n'est pas une compétence. Je peux être pharmacien, avoir mon diplôme d'une université prestigieuse, être membre de mon ordre professionnel et être un épais. Excusez, c'est un terme très québécois, mais quelqu'un d'incompétent. Parce que on ne peut pas sortir d'une école avec la tête bien pleine et rester là. La vie évolue, la science évolue, certaines choses ont de la valeur et perdent la valeur avec le temps. Certaines choses sont nouvelles. Bon, faut faire attention de ne pas tomber dans le piège inverse qu'on fait presque tous. Si c'est nouveau, c'est meilleur. C'est pas vrai. Alors, il faut se tenir à jour, garder son sens critique, garder sa flamme. La formation continue, c'est la base. Alors, qu'elle soit structurée, Alors, des cours, comme on fait, moi je fais, comme je donne, ou non structurer mes lectures tous les jours. Systématiquement, j'ai plusieurs lectures que je fais. Je vous ai dit que je me lève tôt le matin, ben, avec mon café, je suis tous les matins en train de lire quelque chose qui est un petit peu à côté, proche de mon travail, mais c'est pas ma recherche, que je fais de la recherche tous les jours, recherche documentaire, je me forme, je me garde l'esprit ouvert sur quelque chose. Je viens de lire un bouquin qui s'appelle The Immunity Fix, donc réparation de l'immunité, disons, c'est une mauvaise traduction, d'un monsieur qui s'appelle James D. Nicolantonio aux États-Unis. Là, je suis en train de lire, je viens de commencer un bouquin qui s'appelle Breathing, donc respiration, d'un monsieur Nestor. Et je suis toujours en train de lire, chercher, trouver, remettre en question. C'est la seule façon d'avancer puis d'être confortable dans ce qu'on fait et de sortir de quelque chose qui, en même temps, est négatif et positif, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis assez confiant dans mon savoir pour savoir que je ne sais pas? D'accord. OK, oui, c'est assez complexe, mais finalement, c'est compréhensible. Ben oui, c'est ce qui motive, c'est ce qui fait que tous les matins, j'ouvre mon ordinateur, j'ai des newsletters que j'ai, j'en ai 3-4 différents, avec différents sujets de santé, puis là, je fouine, ah, ça c'est intéressant, je lis, oui, je classe ou je classe pas, ou... Non, tous les jours. D'accord. Mais donc, justement, dans vos lectures, est-ce que vous pratiquez, on va dire, ce qu'on appelle, par exemple, vous en prenez, vous en laissez, est-ce que vous savez faire le tri entre chaque chose que vous lisez, entre ce qui est utile, ce qui n'est pas forcément utile? Ben, il faut, parce qu'on est dans le contexte contemporain. On est dans une mer d'informations. On est noyauté par toutes sortes de choses. Et une des choses que j'enseigne à l'université, c'est de garder son sens critique. Alors, il y a un module que je donne qui s'appelle « Regard critique sur les études cliniques ». Et dans une étude clinique, je peux avoir toutes sortes de choses. Il y en a qui ont l'air extraordinairement bien faites. Là, on gratte un petit peu, mais ça tient pas la route. Il y a un vice de forme derrière, mais c'est une étude à grand déploiement dans un grand magazine très connu dans le domaine. Prenez Lancet, prenez JAMA, prenez tous ces grands magazines-là. Pour donner un exemple précis, au début de la pandémie, il y a eu un immense papier dans le Lancet à propos du médicament hydroxychloroquine qui disait que c'était pas bon, c'était dangereux, blablabla. Et déjà, tu dis ça, mais ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas, parce que moi, c'est un vieux médicament que je connais. Je connaissais pas son impact sur les virus, parce que ça, je l'ai appris de la bouche de M. Raoult, comme à peu près tout le monde. Là, j'ai bouquiné. Non, ça marche pas, ça. Et quelques jours après, ben, il y a eu une levée de bouclier de la part du monde scientifique pour dire qu'il y a des erreurs de grossières dans ce papier-là. Il y a des falsifications de données. Alors, dans ce domaine-là, qui n'est pas tout à fait mon domaine, je suis plus là, je suis rendu ailleurs, c'est la même réalité. Alors, si j'ai une étude clinique qui a des vices de forme, ne définit pas bien le produit, la cohorte est mal faite. Ben, ça, c'est mon domaine. Et là, j'élague. OK, cette étude-là tient la route. OK, celle-là ne tient pas la route. Pourquoi? Et c'est là où j'ai même un dossier dans mes affaires avec des études qui valent la peine d'être mentionnées parce qu'elles sont trop mauvaises. D'accord. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt également, vous travaillez comme formateur, coach santé, conférencier, chercheur, documentaliste, rédacteur et conseiller dans le domaine de la santé et des PSN. Les PSN, ce sont les produits de santé naturelle, au sens le plus large possible. Donc, est-ce que travailler à tous ces postes, c'est toujours pour continuer à partager vos connaissances et à aider, le plus de personnes possible? Absolument. Alors, que ce soit au niveau de la communication, alors, ce que je fais bénévole, là, mes lives sur Facebook, que ce soit les cours ou que ce soit travailler comme consultant pour une compagnie qui fabrique des produits pour les aider en termes de formulation, de documentation scientifique ou même, dans certains cas, vous dire, t'as pas le droit de faire ça. Tu vas trop loin dans ton discours, c'est pas cohérent. Ton étiquette est pas correcte, il est pas conforme. Alors, je sers à toutes sortes de niveaux, mais toujours de la même façon. Alors, c'est quand on m'engage, que ce soit au niveau individuel ou corporatif, c'est moi qu'on engage. Et moi, je n'ai pas de bénéfice et je ne veux pas avoir de lien corporatif avec mes clients ou des liens personnels. Un client, c'est un client. et je fais le travail du mieux que je peux. On vient me chercher justement parce que j'ai cette expertise-là passablement unique dans mon milieu pour faire évoluer le concept, la compagnie, le produit, enseigner. Exemple, je donne des formations aux médecins et pharmaciens sur la vitamine D. Ça a l'air banal, mais on a tous appris à l'université des faussetés. La vitamine D est toxique, par exemple. C'est faux. D'accord. Elle peut le devenir à dosage catastrophique. Mais la science a évolué depuis le temps où moi je suis sorti de l'université et il faut se tenir à jour. Mais comme c'est une substance banale que les gens font pas important, alors moi j'arrive là-dedans pour donner des formations à des groupes de professionnels pour leur montrer que ben, ce que vous avez appris à l'université, il est temps de passer à autre chose parce que voici. Et là j'explique la réalité des dosages des taux sanguins, des indications, pourquoi c'est si pertinent que ça dans la COVID, par exemple. Il faudrait que tous les gens nordiques et les Français, en fait, Paris et Montréal ont la même latitude, donc on est au nord, on a très peu de soleil, on n'a pas d'ultraviolet B, on devrait tous prendre la vitamine D. Alors, c'est ce genre de choses-là que je fais dans toutes mes voies qui ont l'air, des fois, être un peu opposées. D'accord. Très bien. Donc, il est 14h37 heure française, 8h37 heure québécoise. Et donc, avant de poursuivre, à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale d'un artiste que vous m'avez soumis une nouvelle fois et que nous écoutions, Leonard Cohen, auteur, compositeur, interprète, musicien, poète, romancier et peintre québécois, dont on salue la mémoire, avec son titre folk Suzanne. Une nouvelle fois, pour donner les références, cette chanson date de 1967 et est tirée du premier album de Leonard Cohen, intitulé Songs of Leonard Cohen, sorti le 27 décembre 1967. Donc on écoute Leonard Cohen et on se retrouve juste après, d'ici près de 4 minutes. Donc à tout de suite. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Heart. harp, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h41, heure française. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Leonard Cohen avec son morceau Suzanne. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Jean-Yves Dionne, auteur, apothicaire, formateur, coach santé, conférencier, chercheur, documentaliste, rédacteur et conseiller dans le domaine de la santé et des PSN. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Jean-Yves ? Ah, tout à fait. C'est un grand plaisir. Parfait. Donc, même question que pour la première pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter Leonard Cohen ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Ben, Leonard Cohen est montréalais. C'est un icône ici. On l'a connu, enfin, moi, je l'ai connu sur le tard. C'est pas quelqu'un dans les années 60, pas vraiment. Quoique j'étais déjà là, soyons clairs. Mais la fin de sa vie ici à Montréal a été un événement. Quand il a lancé son fameux Alléluia, qui a fait le tour de la planète, après tout le monde a repris ça, ça a mis en lumière un homme qui était encore sur scène à 80, qui avait quelque chose à dire, et c'est ça qui m'a touché. C'est quelqu'un qui... vous avez en France aussi des chanteurs qui ont été là jusqu'à... Tu sais, ils sont morts sur scène. Certains avaient encore quelque chose à dire, d'autres c'était un succès d'estime. Mais M. Cohen est un de ceux qui produisait du nouveau contenu, qui avait quelque chose à dire, qui était vibrant, même à un âge très avancé. Et ça... Peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai, ça me parle beaucoup. D'accord. Donc vous l'avez un petit peu, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va peut-être développer un petit peu. Depuis quelques années, vous avez développé ce que vous appelez l'Académie de l'apothicaire. Donc depuis combien de temps l'Académie de l'apothicaire existe-t-elle et qu'est-ce que c'est que l'Académie de l'apothicaire ? Bon, l'Académie de l'apothicaire, c'est ma façon de redonner ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu, de façon très, très éclectique, je reprends le mot. Alors, pour vous placer en contexte, 2008, c'est le crash économique, mes affaires vont pas bien, puis là, je me dis, demain, là, l'avenir est en ligne. Alors, je pars le blog, jydionne.com, qui s'appelle Franchement Santé, en 2009. D'ailleurs, c'est très drôle, il y a deux textes de cette année-là qui sont encore parmi les plus lus que j'ai écrits, un sur le calcium et un sur la mélatonine. Donc, j'essaie de rester d'actualité, mais il y a des choses qui restent d'elles-mêmes. Quelques années plus tard, 2011, on commence à dire, il est temps de structurer et de faire des cours. Alors, les premiers cours en salle commencent dans ces années-là. Le premier s'appelait Les Incontournables en pharmacie. J'ai fait des tournées au Québec, Québec, Montréal et autres villes. Et après ça, on a développé des cours plus thématiques. 2013, par exemple, on commence des cours sur des indications, alors le système respiratoire, les infections respiratoires, l'asthme, les rhumes et grippes et autres, les problèmes neurologiques, les problèmes du système nerveux, cardiovasculaire, etc. Tout là, ça évolue dans le temps. On donne ça en salle et éventuellement, pour toutes sortes de raisons d'organisation, c'est compliqué, les gens ne se déplacent pas nécessairement, les salles coûtent cher, on commence à faire ça en ligne et là, ça lève. Et là, on a développé 2017, 2018. En fait, en ligne, ça commence plutôt 2016. Et arrive la pandémie, puis c'est là où l'Académie de l'apothicaire se recycle, entre guillemets, parce que tous mes cours professionnels sont déjà là, sont déjà accessibles. Alors, c'est là que je développe l'aspect grand public pour parler à tout le monde, avec fondamentalement la même matière, mais expliquer peut-être un peu plus simplement. simplement et en mettant plus d'accent sur les habitudes de vie, sur ce que la personne elle-même peut faire plutôt que ce que le thérapeute peut faire pour la personne. D'accord. Comme vous le dites sur votre site internet, vous avez une approche inquisitrice, parfois même dérangeante. Vous dites également que plusieurs de vos articles reflètent votre point de vue sur telle ou telle problématique, et vous tentez à chaque fois de regarder les deux côtés de la médaille, sans parti pris, sans allégeance à telle ou telle école. Donc cette optique de ne pas avoir de parti pris, est-elle importante pour vous? Et si oui, pourquoi? C'est primordial. Trop souvent, on a des gens dans tous les domaines qui ont une idéologie, qui ont une théorie des choses et vont s'arranger pour tordre les faits pour que ça fonctionne en fonction de l'excuse, fonctionne en fonction, que ça marche avec leur théorie. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Parce que très souvent, je vais regarder une vidéo, lire un texte et faire, ben oui, mais tel, vous avez oublié tel aspect, vous avez oublié tel aspect, vous avez oublié tel... Et donc, sans dire que je ne fais jamais ça, je reste un être humain, je reste biaisé fondamentalement, j'essaie de ne pas l'être. J'essaie de faire évoluer la théorie en fonction de ce que j'observe. Alors, je ne suis pas capable, fondamentalement, de faire partie d'une école, d'une forme de pensée, d'une tribu, parce que trop souvent, je vois les paradoxes, je vois les contradictions, et je ne suis pas capable. Par exemple, une des écoles de pensée en ce moment qui m'irrite fondamentalement, c'est l'école de pensée qui dit que le végétalisme, les véganes, ont la réponse à tout. Non, ça se peut pas. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est faux. Par contre, ça peut être vrai pour une personne. Et c'est là où on rentre dans la notion individuelle des choses. Mais on ne peut pas dire que manger végétal va répondre à tous les problèmes de santé, va répondre à tous les problèmes d'écologie, c'est avoir une vision qui est... sérieusement, c'est de... C'est quoi le mot français, là? On ne veut pas voir certaines choses. Prenons un exemple. Vous décidez, pour toutes les raisons philosophiques, que manger végé, c'est bon pour vous. Parfait, allez-y. Mais vous avez un intestin irritable. Et là, vous vous mettez à avoir mal au ventre tout le temps. Il y a un problème. Vous pensez, vous avez un problème de vous êtes une femme, vous avez un problème de perte de fer tous les mois, pour pas dire d'autre chose, et vous mangez végé. Puis là, vous vous ramassez anémique, parce que le fer végétal est moins biodisponible, est moins absorbable. Alors, c'est toujours la question de voir au-delà de la première affirmation. Et quand on lit des experts, des gourous, de ces gens-là, souvent, ils ont une vision très, très, très rigide des choses qui se vend bien. Et c'est toute la dynamique du web, des médias, de la communication, avoir des formules punch qui font qu'on vend. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comprendre et d'expliquer pour que la personne qui m'écoute fasse sa démarche elle-même. Et non dire, tu fais ça, c'est la meilleure chose pour toi, puis pose pas de questions. Ça, là, pas capable. D'accord. Oui, donc il faut toujours laisser la liberté de choisir à ses clients ou ses patients. Absolument. Absolument. Mais liberté informée. Il faut être en mesure d'articuler l'argumentation pour et contre un sujet donné dans le but de l'expliquer correctement et de faire en sorte que la personne, l'autre bord de la table, l'autre bord de l'écran, peu importe, prenne sa propre décision en fonction de sa réalité. D'accord. En préparant cette émission, donc, je me suis appuyé sur votre site internet. J'ai vu une phrase qui m'a assez surpris dans le bon sens du terme. Une phrase dans laquelle vous dites, je cite, « Si je ne suis pas satisfait, si je ne comprends pas, c'est habituellement qu'il y a anguille sous roche. » Fin de citation. Dites-nous en plus sur cette phrase. Bon, ça c'est un exemple typique. C'est-à-dire que quand je lis quelque chose, où j'aborde une nouvelle théorie ou un concept ou un auteur, et là, c'est tout à fait en continuation avec ce que je viens de vous dire. Il y a quelque chose où fait ou bien cette personne-là a découvert quelque chose que je ne connais pas, qui me jette à terre parce que c'est complètement l'opposé, ou il est en train de m'emplir parce que ça ne tient pas la route. Et c'est là où je gatouille, je fouille, je cherche des points de vue opposés, je regarde les références utilisées pour supporter l'argument, et là j'arrive soit à la conclusion, ah ben là j'ai appris quelque chose. J'ai vraiment là, ça m'a renversé. Et ça m'arrive d'avoir des choses que, OK, puis là, je vais citer Pirandello, l'auteur comique, qui dit mon opinion, c'est mon opinion jusqu'à temps que je change d'opinion. Et je suis comme ça. Je n'ai plus d'opinion absolue qui ne peuvent absolument pas changer. Je vais toujours aller en quête de trouver ce qui fait du sens, ce qui a une signification et qui s'explique. Quand on tombe sur quelque chose où j'ai de la misère, là, je comprends pas, ben là, je gratte, je fouine, je cherche, et tant que je ne suis pas satisfait de l'explication, je continue. Quelquefois, c'est moi qui change. Le plus souvent, c'est, ben, ça tient pas la route parce que. Et quand tu es anguille sous roche, c'est ça. Il y a souvent quelque chose qui est, ah, il est encore en train de nous faire le même jeu de tel, et voilà. On arrive au bout. Ça tient pas la route, cette affaire-là, là. Une étude clinique publiée dans un grand magazine où on évite de décrire le produit correctement, il y a anguille sous roche. Une étude clinique à grand déploiement. Je vais vous en donner un exemple. Il y a un produit en France qui est utilisé, prescrit par les médecins, qui est un extrait d'une plante qu'on appelle le palmier nain. Mm-hmm. Le palmier nain, le produit en France, c'est permixon par la compagnie Pierre Fabre. Il existe maintenant par d'autres compagnies. En France, en Europe, vous avez la possibilité d'avoir un produit pharmaceutique de phytopharmaceutique. Donc, il y a une façon de le breveter. Ici, ça n'existe pas. Alors, les études en France, en Europe, en Italie, fonctionne pour l'indication des problèmes de prostate qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate. OK, ça va jusque-là. Arrivent les États-Unis. Et là, on a deux super grosses études qui disent que ça ne fonctionne pas. Alors, expliquez-moi pourquoi, en France, c'est toujours le premier produit de prescription depuis des années. Il y a un problème. Alors, je gratte. Et là, je constate deux choses. Une des deux études utilise des produits français. Ils vont même à double dose. Est-ce que l'étude est mal faite ou la population américaine est différente? La deuxième étude utilise un autre produit, un autre extrait de la même plante. Bon, dans ce cas-là, je pourrais dire, le produit est différent, ça se peut que le produit soit moins bon. En réalité, ce qui se passe, c'est que le mécanisme d'action de la plante agit sur le problème, a des résultats. Sauf que, ce qui aggrave le problème et qui cause le problème au départ, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est la base de beaucoup, beaucoup de maladies dites non contagieuses ou contemporaines ou maladies de société. Et les champions de la planète de la résistance à l'insuline, c'est nos copains américains. Parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils sont plus gros, parce qu'ils sont plus diabétiques et que, selon les dernières données, 88% de ces gens-là ont ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ne sont pas en santé métabolique, font de la résistance à l'insuline. 88%. Imaginez le chiffre, là. Alors, c'est là qu'on comprend qu'il faut aller plus loin que dire le produit ne marche pas. Il faut comprendre, puis je pourrais vous donner des exemples avec l'échinacée. Il y a une super grosse étude publiée dans un magazine prestigieux qui s'appelle le New England Journal of Medicine qui arrive, l'échinacée, ça ne marche pas. Puis là, on gratte. Toutes les autres études, ça marche, puis il y a de la controverse. Et là, on regarde, on s'aperçoit que le produit, il a été fait au laboratoire. Ah, ils n'ont pas pris un produit existant, ils en ont fabriqué un, anguille. Ensuite, des chercheurs, Rudolf Bauer en Allemagne, Blumenthal aux États-Unis et autres, vont avoir accès à l'extrait et l'analyse et disent, ben, il n'y a pas les bons marqueurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous a mis dans l'étude? Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que c'est la bonne plante? On ne peut pas, un marqueur, c'est la molécule qu'on utilise pour identifier la plante quand on ne la voit plus, qu'on est sous forme d'extrait. Il n'y a pas les bons marqueurs, donc est-ce que c'est de l'échinacée? Mais cette étude-là, à grand déploiement, est toujours répertoriée dans les bases de données, et toujours n'a jamais été rétractée, mais il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, quand on parle de produits naturels, quand on parle de plantes médicinales, c'est tellement fréquent parce que tellement d'argent contre ça. Les produits en vente libre sont des produits que vous et moi, on peut utiliser sans avoir accès à un professionnel. On débarque de toute la filière pharmaco-médicale. Et c'est là que c'est dangereux pour certains intérêts. Puis là, je sonne conspirationniste, je le sais. Mais en réalité, c'est une bataille commerciale. Et c'est là où il faut garder son instinct de détective privé pour aller au-delà de les premières lignes qui ont souvent été écrites par autre chose qu'un chercheur, mais plutôt par une agence de communication. Et là, on fait, ça sent pas bon. Alors, c'est ça que je fais. D'accord. Pendant les 4 minutes d'émission qui nous restent, intéressons-nous plus longuement sur vos formations, vos conférences et vos séminaires. Depuis 1996, ça fait donc 25 ans, vous avez donné quelques milliers de formations, conférences et séminaires, tant en anglais qu'en français. D'ailleurs, vous êtes déjà apparu dans le Weekend Spark avec Franck Nicolas. Absolument, oui, oui. Puis j'ai donné une conférence, d'ailleurs, c'était il y a 5 ans déjà, à Paris. Devant près de 2000 personnes. C'était un des hauts lieux de la tournée. J'ai adoré ça. Mais oui, un peu partout. Et donc, justement, délivrer ces conférences, ces formations en anglais et en français, car l'anglais et le français, ce sont deux des langues parlées au Canada et au Québec. Donc, est-ce que, selon vous, c'est important de donner ces formations dans ces deux langues? Et pourquoi est-ce important? Bon, il faut savoir que nous, ici au Québec, on est un peu le village gaulois. Hein? On est dans l'Empire anglais, le Canada anglais qui est les restants de l'Empire britannique et l'Empire américain qui est juste au sud de nous. Alors, on a cette notion, on vit en français, avec un français que certains Français qualifieront de 18e, mais bon, peu importe. Et pour nous, c'est très, très important pour moi, c'est très important de vivre ça et de travailler en français. Mais en même temps, je vis dans une mer anglophone. Alors, moi, j'ai vécu à Québec, dans un milieu francophone, blanc, francophone, catholique, c'était là, tout le monde pareil, dans les années 60, et quelque part dans les années 70, ben, on me pitche, on me garoche, on m'envoie dans un camp de vacances anglophone pendant un mois. Et là, oulala, je ne parle pas un mot anglais. C'était « tu parles ou tu meurs ». Et alors, j'ai appris. Et en quelques jours, j'ai commencé à baragouiner, à sortir un anglais. Et au bout d'un mois, je parlais anglais. J'ai fait ça 3 étés de suite. Donc, j'ai développé la deuxième langue par l'immersion. Et après ça, ben, j'ai travaillé en anglais à peu près toute ma carrière, que ce soit à l'époque où j'étais pharmacien propriétaire dans une communauté où, tenez-vous bien, on avait 32 groupes ethniques différents dans mon village. Ah oui. C'est très, très particulier. Et j'ai travaillé comme consultant. Mes premiers clients, en 96, une compagnie qui s'appelait Quest à l'époque, m'a amené à faire le tour du Canada, l'Ontario, la Colombie-Britannique, les différentes provinces, à donner des formations et des cours sur les produits naturels. Et au fil du temps, j'en ai donné pan-canadien, là, comme on dit en français, coast to coast, donc de Colombie-Britannique jusqu'à Nouvelle-Écosse. Mm-hmm. Aux États-Unis, Californie, Texas, Arizona, etc. Là, j'ai donné plein de choses là-bas. Toujours dans le même domaine, des formations sur principalement les produits naturels. Puis, je suis allé un petit peu en France. Là, j'ai un événement qui s'en vient au mois de juin en Afrique, à Abidjan. Si les étoiles se placent comme il faut, parce que c'est avec la COVID, je le sais pas. Mais bon, alors c'est tout ça. Moi, je suis prêt à parler à qui veut m'écouter, parce que j'ai du plaisir à enseigner, j'ai du plaisir à faire comprendre. J'aime ça. Plus j'ai d'occasion, plus c'est intéressant. Bien sûr. Donc, il est 14h59, heure française, 8h59, heure québécoise. On aurait encore énormément de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes un petit peu pris par le temps. Une heure n'est parfois pas suffisant pour tout aborder. Au pire des cas, on refera une émission dans le futur, pourquoi pas. Donc, nous allons devoir conclure. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter rapidement ou pas? Le dernier mot, écoutez, la seule chose qui est importante, c'est la démarche qu'on fait soi-même. La santé, c'est pas un absolu, c'est une démarche, c'est une chose qui avance. La santé parfaite, ça n'existe pas. On a tous un historique, mais on peut tous s'améliorer. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Jean-Yves, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Chris, de m'avoir invité. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Avec plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard, un petit peu en retard malheureusement, pour Salut les 60. Cette semaine, Gérard nous parlera de Nino Ferrer, ce célèbre chanteur né en 1934 et décédé en 1998. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Stéphane, ou Fils, qui sera là pour nous parler de sa carrière de chanteur et de son groupe Fils, et qui nous parlera bien sûr de son tout premier EP éponyme. Merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.